L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le week-end des 29 et 30 septembre aura lieu un week-end des Amis du Parc. Pour nous en parler, nous avons Élise Tisserand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée de la communication pour le Parc Naturel Régional de Lorraine. Et nous allons voir avec vous ce qui nous attend lors de ce grand week-end qui se déroule sur deux lieux, à Génicourt-sur-Meuse et Bonzé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que comprend ce grand week-end des Amis du Parc? Alors, ce grand week-end des 29 et 30 septembre, c'est l'occasion pour tous les habitants du territoire qui auront envie de se joindre à nous, de tenter l'aventure grandeur nature et de goûter à la Lorraine gourmande. Vaste programme. On vous donne rendez-vous déjà les 29 et 30 septembre à Génicourt-sur-Meuse pour un chantier participatif qui est organisé à l'occasion et qui sera suivi d'un grand pique-nique dominical où vous pourrez découvrir tous les produits et prestations Valeur Parc Naturel Régional de Lorraine et puis aussi fêter avec nous le retour de la commune de Génicourt-sur-Meuse dans le territoire du parc. En quoi va consister ce chantier participatif? Alors le chantier participatif, c'est un chantier de défrichage, d'ouverture, si vous voulez, du paysage de la pelouse calcaire de Génicourt-sur-Meuse. C'est un endroit magnifique, mais qu'il faut parfois défricher pour que la pelouse calcaire puisse ne pas être envahie d'arbres qui commencent à pousser. La nature a toujours tendance à se refermer comme ça. Et l'intérêt, c'est vraiment de défricher pour que ce paysage reste ouvert et qu'on y voit fleurir au printemps prochain les orchidées, qu'on puisse y voir plein d'insectes qui évoluent. Je vais vous donner le menu détail, ce sera peut-être plus facile. Bien sûr. Alors déjà, on vous donne rendez-vous le samedi 29 septembre à 9h sur le parking de la pelouse calcaire de Génicourt-sur-Meuse. Et puis, on va monter ensemble ensuite sur le lieu du chantier. On va travailler sur ce chantier d'entretien, coordonné main dans la main avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine jusqu'à midi et quart à peu près. De midi et demi à 14h, on va vous offrir un bon repas. Et ensuite, on reprend le chantier de 14h15 à 17h, toujours avec le Seine Lorraine. Et puis, pour vous remercier de votre participation, bien sûr, à 18h, on monte tous ensemble au foyer rural de Bonzé. Là, on va vous offrir un petit buffet également pour le soir. Et puis, vous pourrez assister à une conférence un petit peu décalée sur les invertébrés de la pelouse calcaire de Génicourt-sur-Meuse. Là, on vous dira tout, mais absolument tout, sur les criquets, les sauterelles, les araignées, les papillons et toutes les autres sympathiques petites bébêtes qui vivent et évoluent sur ce territoire. C'est Olivier Nourigeon qui assurera ce temps de conférence. Et enfin, la soirée, ce sera un apéritif et un buffet offert aux participants. Il est même possible, si vous le souhaitez, de dormir sur place. Alors pour cela, évidemment, il faut vous réserver. N'hésitez pas à vous connecter sur le site du Parc Naturel Régional de Lorraine. Vous découvrirez le programme dans son menu détail et un formulaire pour vous inscrire si vous souhaitez dormir et manger sur place. Ça, c'est le programme du samedi. Pour le dimanche, on prend les mêmes et on recommence. À 8h30, rendez-vous sur le parking de la pelouse calcaire de Génicourt-sur-Meuse. On commencera le chantier sur les coups de 9h15 jusqu'à 11h30. Et puis à midi, là, on vous donne à nouveau rendez-vous sur la place du village de Génicourt-sur-Meuse, où vous serez accueillis par le maire de Génicourt et où vous pourrez assister à une présentation des produits et services marqués Valeur Parc Naturel Régional de Lorraine par le vice-président du Parc Naturel Régional de Lorraine. Puis, vous pourrez enfin participer à un grand pique-nique où vous allez pouvoir découvrir toutes les saveurs des viandes de la filière bovine marquée Parc qui sera organisée, ce grand pique-nique, par le CPIE de Meuse. Si vous voulez nous faire découvrir vos talents de pâtissier, c'est à vous d'amener le dessert. Programme de ce grand week-end des Amis du Parc, le 29 septembre et 30 septembre, à Génicourt-sur-Meuse et à Bonzé, donc on est un peu en dessous de Verdun. Voilà, c'est ça. On est vraiment le territoire de la Meuse, vers Sommedieu, tous ces petits coins-là qui sont magnifiques. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir. C'est vraiment des paysages à couper le souffle. La biodiversité de ce territoire est assez rigolo parce que c'est une pelouse calcaire. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup de calcaire en Lorraine, mais la typologie du paysage fait que c'est l'occasion de découvrir une flore presque méditerranéenne qui évolue sur ce territoire. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à vous nous envoyer un petit mail, vous nous passez un petit coup de fil ou vous vous connectez tout simplement sur le site internet du parc www.parc.naturelregionaldelorraine.com. pnr-lorraine.com. Vous pouvez également retrouver toute notre actualité sur la page Facebook. Dans l'événement, vous aurez aussi un lien vers le formulaire d'inscription. Tout est gratuit. C'est l'occasion de découvrir vraiment un nouveau paysage, d'agir et d'apprendre à connaître pour ensuite mieux partager. Merci Alice Tisserand. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.